Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et 4 épisodes pour 59 minutes de radio Coups humains. Cette semaine, une histoire du mouvement des travailleurs arabes, une série d'Ager Ben Boubaker, réalisée par Angélique Thibault. Alors pourquoi on vous raconte ça ? Parce qu'au moment où l'on commémore la nuit meurtrière du 17 octobre 1961, et alors que résonnent les discours racistes de cette année électorale, on a eu envie de retourner à Marseille, sur les traces d'un été de meurtres racistes et de mobilisation. Et dans vos oreilles aujourd'hui, la rumeur de la ville, un café au comptoir, un attentat, un arbre à la porte d'Aix et des jeunes hommes devenus vieux qui écoutaient des chansons tristes étaient venus pour travailler et se sont sentis en danger. Mais pour commencer, troisième épisode, on arrive en ville, à Belzunce. Ah, vous n'étiez pas à Marseille? Non, d'accord. Très bien. Vous étiez à Marseille dans les années 70? Ah non, 70. Oui, 70. J'étais loin. Vous demandez là-bas, vous faites le ménage. Vous faites le ménage. Vous faites le ménage. Vous faites le ménage. Vous faites les années 70, vous êtes là ou là? Oui, je suis à Marseille. Je suis allé là. Moi, je suis arrivé à Marseille en 1990. Ah, mais là, ils vont venir après, là, les gens qui ils vont venir après. Ils vont rentrer. Là, parce que comme ils jouent au tiercé. Ouais, oui, il y a une histoire. Ah, mais ils ne viennent pas, ils viennent vers midi, une heure ici. D'accord. Et ça fait. Ils sont venus ici avant voir la route de l'homme du pantalon. Ah, oui, donc ça fait longtemps. Ouais, ils vont venir après. Madame, j'ai une bande de chapelet de Bordeaux. Et de loi, association d'internation des animaux. Des animaux, les droits d'homme et son. Chapelet de Bordeaux. Hein? Et dites-le, la croix, la religion de Dieu. La croix de Dieu. Je ne suis pas communiste social, communiste chinois ou russe. La religion de Dieu. Vous habitez ici aussi? Vous travaillez à la Ciotat? Eh oui. Et ça marche? Ça marche bien. Bien, oui. Comment ça se passe avec les Français? Marseille 1973, l'été meurtrier. Ager Ben Boubaker, Angélique Thibault. La poubelle, c'est le nom de ce bidonville planté sur une décharge publique dans les ordures. À la sortie de la Ciotat, ni eau, ni électricité. Pour 17 000 immigrés de Marseille et de sa région, c'est le même décor, ils vivent dans les taudis. Ça fait combien de temps que tu habites ici? Et il a, ça fait 4 mois. RTBF. 1973. 200 personnes. Oui, alors il dit je lui ai demandé enfin s'il y avait beaucoup de gens qui habitaient dans ces conditions comme ça. Il m'a dit moi c'est la plus jolie chambre ici en fait. Il m'a dit il y a 200 personnes ici et c'est celle-là la plus jolie. En 1973, le Sud-Est est le théâtre d'une intensification des crimes racistes visant les immigrés maghrébins, avec près de 50 morts. Alors que la guerre d'Algérie semble se rejouer à Marseille, des militants, menés par le mouvement des travailleurs arabes, s'organisent pour lutter contre les crimes racistes et les politiques discriminatoires visant les immigrés, risquant l'expulsion pour leur engagement. On est où là, Rachida ? On est Porte d'Aix, qui est un quartier immigré. Marseillais avec Belzunce Noël, c'est un peu les trois quartiers principaux dans le centre-ville de Marseille. Rachida Brahim, sociologue. Là, récemment. En 45, en fait, quand la France redéfinit sa politique migratoire, elle dresse son premier code de l'immigration et elle va mettre en fait un terme à la sélection ethnique, notamment parce qu'en fait on est après le nazisme, il y a la libération, la terre du nazisme, et donc on essaye de dresser un code républicain en fait, en disant on ne va pas sélectionner, on ouvre. L'immigration plus large, mais on est en période coloniale en fait. Donc c'est pas valable du côté de ce qui se passe de l'Afrique. Les migrants coloniaux sont encore amenés à venir et puis à repartir au bon vouloir de l'État français. Mais il y a un grand changement qui va se faire en 62, c'est qu'à l'indépendance, en fait, les accords d'Évian vont stipuler qu'il existe une libre circulation entre la France et l'Algérie. Et c'était pour favoriser, en fait, disons, l'économie encore avec l'Algérie, le commerce avec l'Algérie, plutôt pour les rapatrier. Et il s'est passé un truc tout à fait inverse, c'est que ce sont d'abord les migrants algériens qui ont profité de cette liberté de circulation pour venir s'installer ici, mais pour des questions de précarité économique. Et très rapidement, en fait, il y a une immigration algérienne qui va être très importante, qui va doubler en l'espace de 10 ans, entre 60 et 73. Et on arrive à 800 000 en 73, en fait. Et c'est différent pour les Marocains et les Tunisiens, qui, eux, sont soumis à des accords, en fait, liés au travail. Et il y a beaucoup de migrants marocains et tunisiens qui vont passer plutôt par un statut de faux touriste, qui entrent avec un statut de touriste, et qui après restent ici en espérant se faire régulariser par la suite. Et en 72, donc, il y a un coup de semonce qui tombe, parce que les circulaires Marcelin Fontanet, elles visent justement à soumettre le possible de rester sur le territoire à différentes conditions qui vont mettre dans l'irrégularité tous ce qu'on appelle les faux touristes, en fait. Et pour le cas des Algériens, ça commence à changer quand, cette liberté de circulation ? L'État français va tenter de renégocier les accords d'Évian. Le nouveau tournant, c'est 74, parce qu'on va arrêter l'immigration du travail et des familles, officiellement. C'est censé être provisoire. Et en fait, ce qu'on veut vraiment arrêter, c'est l'immigration non européenne et non qualifiée. C'est plutôt ce terme-là qu'on trouve dans les archives. Et l'immigration non européenne et non qualifiée, c'est de fait l'immigration africaine. Donc c'est plutôt eux qui sont visés par cet arrêt. Et on accorde plutôt une carte de 10 ans aux migrants européens. On va favoriser l'immigration européenne, en fait. L'immigration va continuer et il va sans cesse avoir de nouvelles lois qui vont viser à contraindre l'immigration africaine qu'on juge inassimilable, en fait. Qu'est-ce que tu veux prendre ? Un café, je voulais prendre. Un café, ouais. Un café ? Le café, Mohamed. Merci. Avant, on était dans les foyers. C'était comment ? Qu'est-ce que vous vouliez ? Une chambre, comme on dit, une chambre. Et on était plus, on était tous du même village. Voyez-vous ? Ça veut dire, on était peu. Moi, j'habitais la rue Colbert, le 2 rue Colbert. C'était un ex-hôtel de la Poste. On habitait, comme on dit, moi, je venais du côté de Délice. Et bien, la plupart qui habitaient là-bas, c'est des gens de Délice. Vous savez, nous, les Kabyles, on se ramasse entre nous, comme on dit. Voilà. Et de rue Colbert, c'est par où ? C'est ici, là, c'est non, oui. C'est la porte d'Aix ? Oui, en montant la porte d'Aix. La porte d'Aix, c'était le rendez-vous des Arabes. Ils viennent de Paris, ils te donnent rendez-vous à la porte d'Aix. Ils viennent de Norvège, ils te donnent rendez-vous à la porte d'Aix. Ils viennent des États-Unis, il te dit pas on se rencontre dans tel café ou tel café. Il te dit attends-moi à 9h à la porte d'Aix. Il y avait un arbre là-bas. Il y avait un arbre à la porte d'Aix. Il te dit comme ça, je te trouve devant l'arbre de la porte d'Aix. Comme ça, on ne peut pas se tromper. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Perrigo. Vous allez bien? Bien, merci, et vous-même? Oui, ça va, ça va. Merci d'accepter de nous répondre, de nous accorder de votre temps. Mais je vous en prie. Est-ce que vous pouvez vous, peut-être, faire une petite présentation? Alors, je me présente. Je m'appelle Berthier, c'est mon prénom, Perrigo. Je suis né le 6 juin 1934, en Suisse, à Neuchâtel. Et je suis arrivé à Marseille en septembre 1967 pour être responsable du poste de la CIMAD qui était essentiellement chargé de l'alphabétisation des travailleurs maghrébins. Et vous étiez pasteur, c'est ça ? Si je me trompe pas. Alors, j'étais pasteur. Et les méthodes d'alphabétisation de l'époque étaient des méthodes traditionnelles qui consistait à leur faire lire des textes, j'exagère un peu, mais c'était les petits oiseaux gazouillent dans les prairies, les vaches broutent l'herbe verte, etc. Et est arrivé mai-juin 68, et on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant de se mettre à parler d'abord. Alors ils sont mis à nous parler de leur vie, jour après jour, à Marseille. Et on s'est rendu compte que, par exemple, ils habitaient dans des taudis, que certains étaient logés à 4, 5, 6 par chambre. Ils avaient juste un lit, une chaise, une commode pour mettre leurs affaires et ils payaient chacun le loyer complet de la chambre, etc. Qu'ils étaient exploités au niveau du travail, etc. Et on s'est dit, mais on peut pas laisser les choses aller comme ça, on doit réagir. Et vous vous souvenez où étaient, dans quel quartier de Marseille étaient logés ces immigrés? Ah oui, c'était le quartier de la Porte d'Aix, des Carmes. En descendant de la gare Saint-Charles au milieu du port, il y a la Porte d'Aix dans ce coin-là. Je vous donne juste un exemple. Un jour, les gens du quartier viennent me voir et me disent, Berthier, on n'a plus d'eau. Je leur dis, ça veut dire quoi, vous avez plus d'eau? Non, la fontaine est tarie. Ah, je leur dis, bon, on va voir ça avec la commune, c'est pas un problème. Donc, je téléphone à la commune de Marseille, et puis je tombe sur quelqu'un qui est responsable de l'eau de la ville, qui me dit, mais qu'est-ce que ça peut bien faire, cette fontaine des Carmes, l'eau n'est pas potable. Je m'appelle Samia. Voilà, Samia, je suis arrivée, j'étais étudiante en fait à Marseille. C'était même ma première année à Marseille. Et j'étais avec une amie et il y avait une affiche qui présentait une grève d'étudiants arabes pour libérer les copains palestiniens, enfin un truc comme ça. Et c'est comme ça que je suis arrivée timidement dans ce lieu où je ne connaissais rien. J'ai vu plein de monde, dont Maurice d'ailleurs, qui lui tenait le crachoir, qui dirigeait cette réunion. Et de là, quelqu'un m'a approché, c'était l'Aribi, en me demandant si j'étais intéressée de voir un peu ce qui se passait. Il a commencé à me parler de ce qu'il faisait avec le comité Palestine. Et il m'a parlé de la Villette et il m'a dit, si ça t'intéresse, je peux te conduire. Moi, docilement, j'ai dit oui. Je ne dis pas que j'étais passionnée par ça, je l'avoue. Et du coup, il m'a emmené à la Villette, peut-être le lendemain. À l'époque, Marseille avait, je sais pas, une dizaine, une quinzaine de bidonvilles dans la périphérie, etc. Et les autorités voulaient démolir ces bidonvilles et puis assainir les quartiers. La Villette avait été démolie déjà depuis peu de temps. Et il y avait un vieux qui était là, qui habitait encore les lieux. Il avait écrit un poème sur la Villette. Et il l'a récité en arabe. Toi, la Villette, tu es petite, mais tes peines sont grandes. Et puis, je sais pas, ça a fait un tilt chez moi. Bon, ça m'avait beaucoup touchée. Et c'est comme ça que, de manière spontanée, je me suis retrouvée dans le groupe, que j'ai trouvé très rapidement aussi sympa, parce que c'est tous des jeunes arrivés. J'étais très étonnée, parce que moi, je comprenais rien à la politique, j'en faisais pas. Il y avait eu un premier bidonville rasé en décembre 71, mais les gens n'avaient pas été relogés. La police est arrivée dans ce premier bidonville, avait dit aux gens, vous avez 2 heures, 3 heures pour quitter vos baraques. Et les gens, en plein décembre, se sont trouvés sur le trottoir, dans la rue, comme ça. Bon. Et on apprend qu'un deuxième bidonville à Font-Colombes va être démoli. Alors, je vais à la mairie de Marseille, de nouveau, et je demande à voir le responsable de ça, et il me dit, mais il n'y a pas de problème, on a compris avec le premier bidonville de décembre, on a compris, les jeunes de Font-Colombes vont tous être relogés dans tel foyer, tel foyer, tel foyer, et je téléphone au premier foyer. Et la personne qui est au téléphone me dit, mais écoutez, c'est pas vrai du tout, notre foyer est plein, on n'a pas de place, je téléphone à un deuxième, un troisième foyer, même réponse. Donc, je vais à la mairie en disant, mais c'est pas possible ce que vous m'avez dit, c'est pas vrai, c'est faux, mais non, ne vous en faites pas, etc. Donc, on était ce comité avec Maurice, avec Mohamed, etc. Et on dit, ben, on va faire une action, on va se trouver le jour où les bulldozers vont arriver à Font-Colombes, on va se mettre devant à l'entrée du bidonville pour empêcher la démolition tant qu'on n'a pas la garantie que les gars sont relogés. les CRS sont arrivés, et je les vois, je nous vois, nous, devant l'entrée de ce bidonville, et à un moment donné, le commandant me dit, vous êtes contre la loi, etc., vous devez partir. Et je réponds, tant qu'ils ne seront pas logés, nous ne partirons pas. Alors à ce moment-là, le chef a dit à ses gars, sortez les matraques, et j'ai vu 30 matraques se lever. Alors, le bidonville a été rasé et les gens ont été, se sont retrouvés sous le trottoir, voilà. C'était du néocolonialisme, si on veut, hein. On considérait vraiment les immigrés comme de la main-d'œuvre bon marché et puis négligeable. Et c'était ça, la vie à Marseille. Hein, c'était, je vous dis, janvier 72. Courbage Maurice, né le 21 mars 1945 à Alep, Syrie, de nationalité syrienne, demeurant à Marseille, 147 boulevard Camille Flammarion, est informé qu'une procédure est engagée à son encontre en vue de procéder à son expulsion du territoire français pour les motifs suivants. Tant par son action au sein du comité de soutien à la lutte du peuple palestinien que par ses activités gauchistes et sa participation à des manifestations, manque gravement et de façon répétée à l'obligation de tout étranger de respecter la neutralité politique. Voilà. Le pouvoir considérait qu'on prenait trop de liberté. J'étais pas français, mais nous, on disait que même en tant qu'étrangers, quand quelque chose atteint notre dignité, nous sommes censés mettre un stop à cela. Ah, peut-être pour commencer, comment tu commences à militer? Alors moi, je suis arrivé à Strasbourg et là-bas, j'étais en première année d'études de Maurice Courbage, militant du MTA. Maths, physique, chimie. Et là, les étudiants arabes formaient une sorte de famille élargie. Et donc un jour, il y a eu comme ça un appel à fonder une association. On a discuté forcément de la Palestine. J'ai connu comme ça quelques amis qui, certains, sont venus avec moi à Marseille. Parce que moi, à la fin de la première année, je suis allé à Marseille, vu que je ne supportais pas trop le mauvais temps de Strasbourg. Et puis, disons que à cette période, je me suis formé des opinions sur aussi ce qui se passe dans le tiers-monde, vu qu'il y avait le comité Vietnam. Et le comité Vietnam avait organisé aussi les 6 heures pour le Vietnam à Marseille. J'ai participé à ça. Il y avait mes professeurs parlaient dans ces meetings. Mais moi, j'avais quand même le point de vue du jeune qui vient du tiers-monde et qui sait que la vie ne se passe pas aussi facilement. D'ailleurs, j'étais au début étonné de tant de plaintes de la jeunesse française. Ça se comprenait pas trop. Donc mon point de vue était, si quelque chose pouvait se produire contre cette société, eh bien ça doit quand même venir du tiers-monde pour moi. Je me suis rendu compte que, vu que Saint-Charles était juste à côté du quartier de la Porte d'Aix, et donc moi je passais tous les jours par la Porte d'Aix et je voyais les gens dans des conditions quand même, ça tranchait par rapport à la Canebière, c'était quand même un quartier. Il y avait de la prostitution, il y avait de la misère. Et donc, on a eu comme ça une volonté avec quelques étudiants libanais de faire des meetings, de l'information en direction du milieu étudiant. Ce qui a commencé par un comité qu'on a appelé Justice et Paix en Palestine. C'est comme ça qu'on a dit à ce moment-là, pourquoi nous n'allons pas distribuer notre littérature et nos idées auprès des ouvriers arabes. Ce jour-là, on a adopté l'appellation Comité Palestine. Et donc, après, ainsi, on a appris que au 43 rue d'Aix, il y avait un local pour l'alphabétisation et qu'il y avait pas mal d'ouvriers qui venaient pour ça. Donc, on a décidé de revenir et de diffuser les tracts 3 jours après, quoi. Et là, on a fait la connaissance de Berthier, et Berthier nous a accueillis, mais vraiment à bras ouverts. Il a vu quand même que notre acte était déjà politique, puisqu'on parlait de la Palestine. Là, c'était premier contact très important pour notre implantation dans ce quartier d'Aix. <t'-> l'époque où vous viviez à Portes-d'Aix, votre travail, c'était quoi? Moi, j'étais à la Suburbaine. C'est une société qui faisait le tapis des autoroutes. Je travaillais la nuit, j'ai quitté, ensuite j'ai fait une formation à cause du travail de nuit. Il faisait froid. Et le travail de nuit, c'est une horreur. On commençait de 10h du soir à 4h du matin. C'était dur. C'était vraiment dur. Et on faisait le manger. C'est nous qu'on ramenait la gamelle. Nous, on prenait le sac, il y a le manger dedans. On va au chantier, on va à l'usine. On travaille. Il y a la sonnette, comme le troupeau. Dès qu'il sonne, on sort. Dès qu'elle sonne, on rentre. Moi, je suis resté ici. J'avais même pas la radio, le poste radio. Même pas. Et comment vous faisiez pour écouter de la musique? Il n'y avait pas quelque chose? Non, quelle musique? Cette musique, il n'y a rien du tout. La musique, c'est l'assiette et le four. Et la cuisine, le soir, on est fiché comme des terres. Prépare la gamelle, prépare... Lave le linge. Slimane et... Razem, des trucs hein? Comme ça. Slimane Razem, des... Non. On écoute la musique. Moi, j'écoutais pas. Franchement, il y a d'autres dans le foyer qui écoutaient. Ils mettaient les disques. Vous rappelez pas. La machine à disque là, un franc. Ça, c'était un franc. Vous mettez un franc et vous écoutez. Ensuite, ils trouvent les Arabes, ils sont tous comme ça. Ils mettent des chansons du bled là-bas. Oh, vous savez comment ils chantent. Ils chantent Sahraoui, du Sahara, tu vois. Ils chantent que le malheur. Ça racontait quoi les chansons? Les chansons de malheur. Tu vois. Le sang il coule. La rivière coule, le sang il coule. Oh, comment voulez-vous rentrer avec ces gens, vous? Je rentre. Ils chantaient beaucoup le Ghorba aussi. Ah oui, le Ghorba, ça nous faisait pleurer. Hein. Pendant les fêtes de l'Aïd. Ma parole, je pleurais. Quand je suis ici, je pleurais. Je mettais le... On pleurait. Parce qu'il y avait mon père, ma mère. On était là comme ça. C'était des moments durs. Hein. Durs. Les fêtes, c'était dur pour nous. Oh, des fois, je fais sortir les photos de mon père, de ma mère. Je les mets sur le lit. J'ai rien à faire. Je m'ennuie. Je ne fais rien, je prends les photos, je les pose comme ça, de mes enfants, ma femme, ça. Mais c'est des chansons, si vous les écoutez, si on veut dire, ça vous fait mal. Vous rentrez après à la maison, vous risquez de casser les assiettes, vous cassez le verre, vous dites comment ça se fait que je suis là alors qu'eux, ils sont en train de chanter et tout. C'est dur, surtout quand c'est des femmes qui chantent. Toutes des femmes qui chantent. Ah. Ça veut dire l'exil. Voilà, l'exil, ouais. L'exil. Et c'est à ce moment-là que... Allô? Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Allô? Je savais qu'une expulsion me pendait au nez. Parce qu'en juin de 73, j'avais été convoqué à la préfecture à Marseille et qui m'avait dit, M. Bergot, vous arrêtez vos affaires maintenant, vous êtes un étranger, vous n'avez pas à vous mêler de ce qui se passe là. Et puis, voilà. Donc, si vous continuez, on vous expulsera. Et puis, début août... Nous sommes partis en vacances en Suisse, et le 1er septembre, on a repris notre voiture, et on est rentré. Et le chauffeur, ce fameux chauffeur de bus, avait été assassiné. On arrive à Marseille le 1er au soir, et les flics ont su qu'on était de retour, et puis m'ont arrêté le 3. Quand vous faites expulser en 73, vous avez interdiction d'entrer sur le territoire français? Oui. Jusqu'en 81. À l'arrivée de Mitterrand. Oui, et c'est Giscard qui m'a gracié, entre guillemets, deux jours avant la passation de pouvoir entre Giscard et Mitterrand, pour ne pas donner ce plaisir à Mitterrand. Et Maurice Courbage et Mohamed Larribion étaient expulsés avant vous, non, c'est ça? Non, en même temps. En même temps? Oui, c'était une action conjointe. Mohamed Larribi. Il est décédé malheureusement, à 60 ans il est parti. C'était quelqu'un vraiment qui était extraordinaire et je crois que le MTA lui doit beaucoup, beaucoup. Je parle de l'absent. Maurice, on disait toujours, un chercheur, machin, s'est fait expulser et tout. Mais Larribi, j'ai pas beaucoup vu. Et surtout, les camarades oublient totalement de parler de lui. Alors, c'est un Algérien, en fait. Quand il était jeune, il a vécu en France. Je crois que son père était cheminot. Donc, des gens qui avaient lutté. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup compté dans ce mouvement. Et qu'on a ignoré jusque-là. Larribi. Enchanté. On vous a fait revenir à un endroit. Oui. Vous devez être là-bas, comme vous savez. Du coup, Mustapha, on est où ici? Écoutez, on est à la place Erdogan. Ça devait être fin août. Je n'ai pas la date exacte, mais c'était le rassemblement après le lendemain de l'assassinat de le chauffeur de bus qui a été tué par un Algérien malade. Au début, j'ai vu du monde, je suis venu. Mustapha Mohamedi, j'ouvre une parenthèse, militant du MTA. Je venais d'arriver, je m'étais installé dans une chambre d'hôtel, juste en sortant de la gare. D'ailleurs, l'hôtel s'appelle l'hôtel Saint-Charles. J'ai laissé mes bagages et je me suis dit, il faisait encore plus ou moins de jours, je me balade dans la ville. Et je descends, et donc je descends, j'arrive jusque là, petit à petit, je découvre la Canebière. Vous savez, en Algérie, surtout à Oran, les gens connaissent par cœur les coins de Marseille. Ils connaissent la Juliette, ils connaissent la Canebière. Donc je découvre, ouais, voilà la Canebière, comme ça je dirais que j'étais à la Canebière. Et donc j'arrive ici, je vois un rassemblement, je me mets là, discrètement. Et puis ça a hurlé, ça a crié, je n'arrivais pas à distinguer les mots d'ordre, etc. Puis d'un seul coup, je vois des gens, ils exhibaient leurs flingues, d'autres ils avaient leurs fusils, les bicots dehors, les arabes dehors, etc. Et c'est là où je suis reparti, j'ai pratiquement presque en marche arrière pour qu'on ne me reconnaisse pas, pour qu'on ne me voit pas. Carrément, je suis rentré m'enfermer dans une chambre lugubre, attendre le lendemain matin. Et c'était le grand rassemblement de le groupe Défense des Marseillais qui était allié à l'époque à Ordre Nouveau. C'était l'extrême droite qui appelait au meurtre. C'était 20h. Ouais. Il mangeait avec nous, tu vois. Ouais. Il mangeait, puis il a mangé, il est sorti de la maison. Ouais. Ma mère lui a dit de rentrer, il n'a pas voulu rentrer, il est parti. Il y avait deux voitures, une BMW 403, elle faisait des tours. Il a remarqué qu'il était seul. Ils l'ont appelé, ils lui ont demandé une adresse, un renseignement, ils ont tiré sur lui. Ils l'ont blessé à l'épaule, et puis ils ont fait la marche arrière. Ils ont filé de balles. Ils l'ont achevé. Voilà. Elle a des dettes en France. Et je te dis ça, c'est le cadeau de la France. Ou tu as habité dans le pays français ou là? Je n'ai pas habité. Je n'ai pas habité dans le pays de l'Équateur ou dans le pays. Moi, j'ai bien aimé. Il dit maintenant, j'ai plus rien à faire ici, je prépare mes papiers et je rentre en Algérie. Je suis là. ما شي بعيدة وفرنسا ملي خلق الدنيا تاع 48 ملي فرنسا ملي خلق الدنيا Alors il dit, moi, voilà, c'est le gouvernement français, ça fait des années et des années qu'il est établi, enfin qu'il dirige le pays. Et ça fait des années et des années qu'on nous exploite et qu'on est très injuste vis-à-vis de nous. Il dit 100%, je suis très mal. Mais mal terrain ou maladie. Il dit non seulement il y a ma maladie, mais en plus il y a la mort de mon fils. Nahar ou la lévite. Nahar ou l'événement. Il dit que le jour maintenant c'est devenu la nuit. Pour moi, le jour c'est la nuit. En 60. Eh oui, en 60. Je ne suis même pas encore né. Eh oui. Vous êtes venu d'où? De l'Algérie. De l'Algérie? L'Algérie. Je suis venu à l'âge de 8 ans, hein. 2 ans avant l'indépendance. Je suis venu en 60. Mais est-ce que vous vous rappelez des années 70? Vous étiez un peu plus grand? Oui, je me rappelle, ouais. Le général de Gaulle, il est décédé le 10 novembre 1970. Oui, mais moi, ma question, c'est plus sur Marseille en 73, quand il y a eu l'attentat. En 73, c'est pas l'attentat, c'est comment ça s'est passé. Il y avait sur la ligne 72, juin 73, la ligne 72 qui fait de la Romelle-Saint-Marguerite jusqu'à Bougainville. Il y avait un mec qui venait de Nice. Nice. Il était un peu fou, hein, c'est pas de sa faute. Le chauffeur de bus, il était raciste. Le mec, il a donné 100 francs pour prendre le billet. Il a dit, ah, vous les Arabes et tout, vous m'emmerdez avec votre argent et tout. Qu'est-ce qu'il fait le mec? Il se lève, il prend le couteau, il égorge. Et après, ça a déclenché vraiment la haine et la violence. Et vous rappelez de cette époque? Il y a eu un jeune garçon, Ladj Younes, qui s'est fait tuer? Oui, oui, oui. Ça, ça s'est passé dans mon quartier. C'est-à-dire, le problème, c'est le CRS qui l'avait tué. C'était un civil parce qu'il y avait un contrôle de voiture. Déjà, ils étaient un peu excités, déjà, ce CRS, parce qu'il y en a un qui voulait l'écraser. Hein. Après, il y avait beaucoup de racés. Il y avait l'autre, là, dans un café et tout. Il venait avec la mitraillette et tuer tout le monde. Ouais, c'est toute une histoire. Hein. Et vous aviez peur à cette époque, j'imagine? Ah oui, oui, oui. Vous sortiez pas? Ah non, je ne sors pas, comment vous voulez ça? Donc le 25 août 73 à Marseille, il y a un Algérien qui prend le bus. Et si j'ai, d'après ce que disent les archives, et il y en a peu, mais bon, il y aurait une altercation entre le chauffeur de bus et l'Algérien en question. Au sujet du ticket de transport, l'Algérien n'aurait pas pris de billet, le chauffeur lui aurait dit « ici, on prend un ticket ». L'Algérien ne l'aurait pas composté, le ticket qu'il a finalement acheté, et du coup il lui répète qu'il s'y en composte. Et l'Algérien s'assoit derrière le chauffeur et quand le bus démarre, il l'agresse et il le tue. Et après le bus fait une embardée et il agresse des passagers présents dans le bus, 6 personnes sur les 10 personnes présentes. Il sort du bus et il se fait lyncher par les autres passagers du bus restés debout et puis les personnes qui étaient en dehors du bus. Et c'est les policiers qui l'extirpent du lynchage. Il est placé en hôpital psychiatrique, il est reconnu responsable de ses actes. Puis il y a le consul qui arrive en disant qu'en fait ça s'explique parce que l'Algérien en question était instable psychologiquement parce que lui-même avait subi en fait une agression à caractère raciste en 69 à Nice. Et il a gardé des séquelles de cette agression parce qu'il a dû subir une trépanation suite à l'agression. Il avait été frappé à coups de madrier sur le crâne. Et voilà, et apparemment, depuis cette date-là, il aurait été psychologiquement instable. Et c'est un homme qui a vécu en Algérie, il est né en 38. Il y a tout un passé qui nous échappe. Et le fait est que le lendemain, un édito est paru dans un quotidien de droite, le Méridional. Et cet édito appelait vraiment très fortement à chasser les Arabes de France et les Algériens. Donc c'est là qu'effectivement la machine se met en place. Et dans la foulée, il y a une intensité, une intensification des crimes. Et on retrouve 3 hommes morts le lendemain et 6 hommes morts dans les 5 jours qui suivent. Il y a eu, quand même, ne l'oublions pas, la mort du Tramino tué par un fou. Et on a eu la fameuse... Smaïn, militant du MTA. Une du méridional de l'époque, par Domenech, par Gabriel Domenech. C'est assez d'Algériens, assez de criminels, assez de violeurs, assez. Il y en avait 5 ou 6 de assez sur la première page. Et nous estimons que Gabriel Domenech a dans sa conscience la mort des quelques personnes qui ont été tuées par des nervis, qui en ont pour certains appartenaient à l'ex-OAS, et d'autres qui sont des mecs d'extrême droite qui ont décidé de tuer de l'arabe parce que on dit à lui, là, même s'il a précisé algérien, mais bien entendu, un Algérien ressemble à un Tunisien, à un Marocain, parce que lui, dans son éditorial, c'est assez de violeurs algériens, assez de tueurs algériens, assez de voleurs algériens, assez de... voilà, assez. Et donc, du coup, tout ce qui ressemblait à un arabe, dans la rue, il était menacé. Et moi, je me souviens, quand on avait des réunions très tard le soir, en ville, il fallait tous qu'on rentre en groupe, parce que de rentrer d'ici jusqu'à la cité universitaire, nous étions suivis par des voitures qui, parce qu'elles ont vu le nombre, sinon s'il y avait un bonhomme tout seul, ils l'auraient massacré, quoi. Ça, c'est certain, c'est pas... Et là, c'est sûr qu'il a attisé la haine chez les gens. Et puis, comme en plus les immigrés sont devenus un peu plus visibles pour la population française... puisque depuis 2 ans, il menait des petites luttes. On nous voyait dans la rue, pour la Palestine, pour la carte de travail, puisque ça avait démarré un petit peu avant. Évidemment, sans doute, le fait de les exciter par ces journaux qui appelaient vraiment au crime, ça a pu effectivement toucher la population, qui en avait peut-être ras-le-bol aussi de voir... ces Arabes dans la rue, sur la Canebière, pour un oui, pour un non. Hein ? En fait, il ne faut pas croire que le racisme est né ou qu'il est apparu de manière flagrante à partir du crime qui avait été commis envers le jeune Hajj Younes, où on a lancé cette grève générale. Non, il était là bien avant, puisque en 71, lorsqu'il y a eu la nationalisation du pétrole par Boumediene, et il y a eu beaucoup de crimes racistes lorsque le pétrole a été nationalisé. Donc il avait 16 ans, et je crois que c'était le lendemain des faits, si je me souviens son nom. Et dès le lendemain des faits, il était dans son quartier, à la Calade, et il y a un mot d'ordre qui est passé très rapidement dans la communauté quand même locale, algérienne et maghrébine en général, qui était de rester chez soi. Et là, Younes, lui, il était dans son quartier, et puis il y a une voiture qui est passée, qui a fait mine de lui demander un renseignement, je crois, et puis ils lui ont tiré dessus. Et voilà, il y en a eu d'autres qui ne sont pas forcément... Là, l'homme qui a tué, c'était un policier avec son arme de service, mais il était en civil. Hein. Il était accompagné d'autres personnes, et puis voilà, ils se sont dit qu'il fallait absolument protéger la ville de Marseille et puis leur famille et tout ça, de ces hommes qu'on a construits comme dangereux. Et ça n'a jamais été suivi, si vous voulez. Toutes ces affaires-là ne sont pas suivies de poursuites judiciaires. L'enquête ne va pas au bout, et quand elle va au bout, elle annule complètement le caractère raciste des faits, et après donc il y a non-lieu, acquittement, peine légère avec sursis. En 70, j'ai strictement rien trouvé, parce que les archives en fait judiciaires aussi sont... On en supprime une bonne partie, donc c'est très dur à retrouver. Mais le rapport de police lui-même montre qu'il n'y a pas d'affaire, en fait. Il n'y a pas d'affaire. C'est un incident impliquant un Nord-Africain. On va vers Noailles ou vers Belzin ? Non, on va vers Belzin. C'est relativement récent, Noailles. L'immigration à Marseille, et qui date, c'est le cours Belzin. Il n'y a pas très longtemps qu'on disait toujours le quartier arabe. Tu vas où ? Tu vas au quartier arabe. On va jusqu'à l'arrivée dominicaine et on redescend, on se pose dans un café. Carrément. Ça vous va ? Mustapha Mohammadi. Mohammadi avec deux M, A, D, I. Parce qu'il y a des Mohammadi avec E. Je suis un enfant, en gros, qui a grandi pendant la guerre de libération. l'indépendance, j'avais 14 ans. J'ai des membres de ma famille qui ont été soit tués, soit emprisonnés, soit torturés par l'armée coloniale en Algérie. Donc j'ai grandi un peu dans cet esprit. On n'efface pas une histoire, des souvenirs. Ça reste toujours dans ma tête, dans ma mémoire, que le fait colonial, il est abject. Je me suis retrouvé au MTA parce que c'était un mouvement spontané. On ne m'a pas proposé une carte, on ne m'a pas proposé d'adhérer à une charte, etc. Et donc, je me suis retrouvé dans cette mouvance et à faire des choses avec eux. Et puis, ils me disent, la semaine prochaine, il y a un grand meeting antiraciste et contre les expulsions à Marseille. Tu viens avec nous ? Où ça ? À Marseille. Je bossais comme manœuvre aussi avec des gens avec qui je vivais dans l'hôtel meublé. Le patron, quand il voulait couler une dalle, il lui fallait beaucoup de travail à la tâche et tout ça. Donc j'avais des gages, je bossais un jour par ici, un jour par là. En haut, si on fait un tour vers la porte d'Aix, c'était le marché des esclaves. Les employeurs, ils passaient avec leur camion le matin, 17h du matin, et ils recrutaient, viens-toi. Et ils les embarquaient pour la journée, et ils les reprenaient pour le lendemain éventuellement, s'il en avait besoin. Toi, il te dit, reviens demain, reviens après-demain, et je te paye à la fin de la semaine, et tu n'as pas intérêt à ouvrir ta gueule, parce qu'il sait que tu es sans papier. Les personnes qui avaient des familles à nourrir au pays, tout ça, ils étaient obligés d'accepter tout. De s'écraser, d'où le sens et la mobilisation pour les grèves de la faim pour avoir ces papiers. C'est Mustapha. Ouais. On va... Allez, ciao Ahmed, ciao. Et vous pensez que vous allez rester en France ou vous pensez que vous allez travailler en France ? Franchement, je ne m'attendais pas. Moi, j'ai dit après l'indépendance, je rentre en Algérie. La vérité, hein. C'est pour ça que je me suis mis le pays dans la tête, comme on dit. J'ai dit, tiens, je rentre en Algérie. Après l'indépendance, dans les années 90, j'ai construit en Algérie, dans le but, j'ai dit, pour mes enfants et tout. Mais après, non, je suis replongé. On a replongé vers la France. Et maintenant, on pense au cimetière. Quand on se rencontre ici... Vous avez vu les collègues, là, quand on se rencontre, on discute de rien, on discute que des cimetières. L'endroit, la place, à droite, à gauche, la tombe, il faut qu'elle soit alignée avec... On parle que de ça, que de la mort. C'est vrai, on parle de la mort. Vous savez, vous êtes ouvrier, vous mourrez ouvrier. On va aller à... C'est ici que vivait le jeune Lounès, dans la cité provisoire de la Calade, près du port de Marseille. Le jour des funérailles, 1500 jeunes arabes des environs se sont retrouvés ici. Ils ont formé un cortège funèbre pour escorter jusqu'au port la dépouille de la jeune victime. Quelques jours après, alors que les attentats racistes se multipliaient, alors que toutes les conditions d'une explosion raciale étaient réunies, les immigrés arabes ont préféré l'arme de la grève. Nous avons décidé dans toute la France qu'il y en a marre de ces crimes racistes et qu'il est temps de montrer que nous ne pouvons pas nous laisser faire comme ça. Et nous avons décidé de frapper fort. Cette année, nous allons montrer que économiquement aussi, nous existons, que nous faisons la France. Partout en France, toutes les villes que vous connaissez, on leur disait, Paris, Marseille, Grenoble, Lyon, Lille, Sochaux, tout ça, font la grève demain. Et tous les immigrés restent chez eux. Et c'est vrai. Ils sont arrivés là, il n'y avait pas de travailleurs. Personne ne mente. Ils sont là, ils restent, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont devenus fous, enfin ce genre de truc. On leur dit non, ils ne sont pas devenus fous, ils se battent pour qu'on les empêche de mourir. Et quoi. Du coup, ils n'ont pas eu de travailleurs. Pour la... À la grève générale, elle a généré cette énorme manifestation qui s'est passée à Marseille sur des kilomètres. Ça veut dire que vous partez de la Calade du lieu de la maison de Hajj Younes jusqu'en centre-ville, jusqu'à la Canebière et jusqu'à la préfecture. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de 15 km. Vous vous en souvenez? Ah ben punaise, on était dedans, crevé, hein. Et à Marseille, à l'Intrampolieri, nouvel épisode des affrontements en ratio survenus à la suite du meurtre du tramino marseillais. Les travailleurs algériens étaient peu nombreux sur les chantiers de la région aujourd'hui. Cette grève a été suivie par plus de 60% des travailleurs immigrés qui entendaient ainsi répondre aux mots d'ordre lancés par les mouvements de travailleurs arabes, mouvements d'extrême gauche qui avaient distribué des tracts en français et en arabe. À Marseille, les commerces du quartier de la Porte d'Aix sont restés fermés. Et à Fos-sur-Mer, le mouvement a été suivi à 100%, c'est-à-dire que 3000 travailleurs ne se sont pas rendus ce matin sur le chantier. L'Amicale des Algériens en Europe comprend l'inquiétude de ses ressortissants, mais condamne l'exploitation à des fins politiques de cette grève. Bon, il y a eu cette vague de crimes racistes qui a démarré depuis Marseille, depuis les Bouches-du-Rhône. Donc on a lancé un appel à la grève des travailleurs arabes. Bernard Lehambre, militant. Et sur Paris, on savait que tôt le matin, dans les premiers métros, les gens partaient sur une ligne directement pour aller chez Renault, chez Citroën. Donc, on attendait à la République, sur les quais. Le métro arrivait. On maintenait les portes ouvertes. Et les camarades appelaient les gens à se mettre en grève et à sortir du métro. Et on voyait le métro se vider sur le quai. Et qui parlait ? Mokhtar. Saïd, et puis quelques autres, Amar, etc. C'était fantastique de voir tout à coup le métro qui se vidait sur le quai. Et c'était un moment tellement... À l'époque, la tour Montparnasse était en construction. Et le chantier s'est arrêté. C'était une de nos gloires. On a arrêté, le chantier était arrêté pendant toute la journée. On était au métro Stalingrad. Métro Stalingrad, il y a le métro aérien et puis il y a des lignes qui sont en bas. Les gens, ils rentraient par le métro en bas et puis pour monter là-haut, il y avait un escalator qui montait, mais il n'y avait pas un escalator qui descendait. Eddy Akari. Et quand on donnait les tracts, il regarde. Militant du MTA. Général aujourd'hui, il met ça dans sa poche, il revient en marche arrière. Mais le truc qui monte. Puis il dit, c'est où ? On lui dit, cet après-midi, ici, on va faire la manif, elle part d'ici, on voulait aller à la mosquée de Paris. Et on était nombreux, je ne peux pas vous dire combien, mais on était beaucoup. Parce que plus on avançait dans le truc, La Chapelle, Barbès, et là, il y avait nos semblables, comme dit l'autre, alors ils venaient. Alors juste une anecdote aussi, les magasins étaient fermés à Barbès, à Belleville. Même les filles de joie, il y en avait plein à Barbès, ils étaient fermés. D'abord pour manque de clients, parce que personne ne venait. Et deuxièmement, parce qu'ils étaient solidaires aussi, parce qu'ils sortaient, ils applaudissaient. Donc ça déclenchait la colère des syndicats. Ben oui, parce que là, on était en voie de construire une structure syndicale parallèle à leurs activités, qui aurait eu la masse des immigrés. Et ça, c'était un projet. On avait donné un rassemblement en face de la mosquée et les gens qui sont venus nous donner, les travailleurs, donner l'adresse, leur nom. Tant d'ouvriers, tant de grévistes, tant d'ouvriers, tant de grévistes, tant d'ouvriers, tant de grévistes. On avait comme ça quelques, je sais pas moi, 150 peut-être boîtes où on avait des contacts donc avec ces gens-là. Les travailleurs immigrés avaient lancé aujourd'hui un mot d'ordre de grève de 24 heures à Paris. Une grève qui a été diversement suivie. Ce soir, ils se sont rassemblés devant la mosquée. Interactualité, 14 septembre 1973. Il s'agissait de protester contre le racisme en France. C'est ce qu'a expliqué l'un des leaders du mouvement des travailleurs arabes, à Bernard Delcroix. Les syndicats, CGT, CFDT, ils n'en revenaient pas. Les autorités ne comprenaient plus rien, y compris... les amicales de nos trois pays, les Algériens ne comprenaient pas. D'ailleurs, l'amicale des Algériens faisait le travail de sape pour empêcher les gens de fermer. On a eu des accrochages avec eux, avec leurs barbouzes, carrément, qui nous bastonnaient quand on intervenait dans le quartier là où on est passé. Les gars avec des manches à balai, des manches à pioche, qui nous attaquaient. Pourquoi C'était un mouvement autonome. C'était quelque chose d'indépendant. Les amicales ont été créées pour embrigader, que ce soit l'amicale des Tunisiens, soit l'amicale des Marocains ou l'amicale des Algériens. C'était le prolongement du pouvoir du pays ici en France. Tout ce qui se passe en France, nous, on le règle de là-bas avec l'État français. Bonjour. Bonjour. C'est interdit. On est bien dans l'ancien consulat d'Algérie. Ah. Non, je suis algérien, c'est pas ici. Hein. C'est pas ici ? Non. Vous... Le consulat d'Algérie, il est à Vieux Paradis. Ah, mais c'est... Si c'était il y a très très longtemps. Ah oui, c'est l'ancien consulat. Il y a une plaque dehors. Alors, ça remonte à des années avant. Il y a une plaque qui indique que c'est l'ancien consulat d'Algérie. C'est vrai ? Oui. Bah, alors, c'était dans les années pendant l'indépendance, la colonisation ? Non, il n'y avait pas de consulat pendant la colonisation. 73, ah ouais, d'accord, ouais, mais j'étais pas né. Ouais, parce qu'en fait, il y a eu un attentat ici, contre le consulat d'Algérie. En 73. Ah bon ? Ah ouais, d'accord, j'ai même pas regardé, ça fait un mois que je travaille ici, j'ai même pas regardé. J'aurais dû être sensible à cette histoire. 10h58, rue Diodée, au centre de Marseille, une explosion très puissante, une énorme gerbe de feu au rez-de-chaussée du consulat dont les 4 étages sont endommagés. Actualité méditerranéenne. De la fumée, beaucoup de poussière, et puis des cris et des appels au secours. 7 septembre 1973. La plupart des victimes, originaires d'Algérie, se trouvaient à l'intérieur du consulat. Elles ont surtout été atteintes aux jambes. On pense donc que l'engin a été lancé sur le sol, depuis la rue. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. 12h45 à l'hôpital de la Timone, l'imam de la communauté musulmane de Marseille récite la prière des morts. Devant l'ambassadeur, le consul général et les personnalités algériennes, 4 cercueils recouverts du drapeau aux couleurs vertes et blanches. C'est le début d'un long défilé qui devait mener au rythme des complaintes religieuses, des youyou rituels, plusieurs milliers de personnes jusqu'à la gare Saint-Charles. Ici, le 14 décembre 1973 à 10h58, une bombe explosa au consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Marseille, faisant 4 morts et 18 blessés. À la mémoire des victimes, par solidarité avec leurs familles, et pour que nul n'oublie cette part douloureuse de l'histoire de l'immigration algérienne à Marseille. Il y a une lettre qui a été envoyée au commissariat et le groupe Chien Barthel revendiquait cet attentat en disant qu'il fallait en fait lutter contre l'invasion maghrébine qui était extrêmement dangereuse pour l'État français, que à nouveau, si les pouvoirs publics ne faisaient rien, c'était à eux d'agir. L'enquête s'est dirigée vers les milieux de l'OAS, les meilleurs quais de la région, et que c'est plutôt eux qui étaient mis en cause dans cette affaire de l'attentat de 73 à Marseille. Plus tard, les attentats ont continué, on a trouvé d'autres explosions, d'autres à Marseille en 74, en 75 à Paris, à Roubaix, à Lyon. Donc, je le redis parce que c'est important, on a vraiment très peu d'informations là-dessus. Les archives, on ne peut pas les recouper en l'état actuel de l'accès aux archives. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on sait de cet épisode de l'attentat marseillais de 73. Et ça, c'est le poème qui a été écrit le jour de l'attentat contre le consulat d'Algérie en 1973, après la vague d'assassinats qui a eu lieu à Marseille pendant l'été 73. C'est Lazare, un Tunisien, qui l'avait écrit. Est-ce que tu peux nous lire un peu ? D'accord. Un al-qatil ou mortami, qad umtu l'yawma fid dami, fattish anil mujrimi, wabhat tajidhu ansori, un al-qatil. C'est moi l'assassiné, c'est moi l'assassiné. Jeté par terre, je nage aujourd'hui dans mon sang. C'est moi l'assassiné, c'est moi l'assassiné. Moi l'assassiné, je t'interpelle. Mon sang est encore sur tes mains. Venge-moi, mon frère. Radan Saaroudou, les biladis, je peux pas. Le soir même, Lazare, qui vivait dans un hôtel à côté des chambrées, et il est sorti le soir même, pour le dire, encerclé par la police et tout. Tu veux que moi je le lise, le poème ? Oui. C'est moi l'assassiné. C'est moi l'assassiné jeté par terre. Je nage aujourd'hui dans mon sang. C'est moi l'assassiné. C'est moi la victime. Moi l'assassiné, je t'interpelle. Mon sang est encore sur tes mains. Venge-moi, mon frère. Écrase le nom de racisme. Demain, je reviens dans mon pays. Demain, je serai enterré avec mes frères. Sans t'avoir vu mon fils. Le racisme m'a privé de te voir. Mon fils, je t'en conjure, ne pleure pas. Tes larmes me brûlent. Si tu vis, souviens-toi, ne m'oublie pas. N'aie pas pitié d'un raciste. Mon frère, mes jours sont finis. Reprends le flambeau de ma main. N'oublie pas mon sang. Lutte jusqu'au bout. C'est moi le blessé. Moi le blessé, je t'interpelle. Je voudrais tout te raconter. Je voudrais que tu touches ma blessure avec ta main. Pour que tu puisses te défendre. Rends-moi visite demain, mon frère. Reste un instant à mes côtés. La blessure me fait mal. Je voudrais tout te raconter. Je voudrais te parler du raciste. Salue ma femme de ma part. Dis-lui de ne pas porter mon deuil. Un raciste m'a eu par traîtrise. Que veux-tu faire? C'est moi le blessé. Poème écrit par un travailleur immigré après l'attentat contre le consulat d'Algérie en 1973. Merci. C'était Marseille 1973, l'été meurtrier, avec Rachida Brahim, Mustapha, Berthier Perregaux, Samia, Maurice Courbage, Mustapha Mohamedi, Smaïn, Bernard Lehambre, Eddy Akari. Coordination Perrine Kervran, attachée d'émission Marivonne Bolivier, archives INA et archives de l'agence Imedia. Mixage Claude Niort, un documentaire de Hajar Ben Boubaker, réalisé par Angélique Thibault. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à la porte d'Aix, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Anaï Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter au bon moment, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pendant 15 jours, grâce à Tank, notre partenaire, vous pouvez voir jusqu'au bout du collectif Ciné-Lutte pour prolonger cette semaine sur le MTA. Il y a un lien exprès sur la page de l'émission. Demain, dernier épisode, Exister politiquement.